Toi, tu me fais de l'électricité. Tu fais monter ma tension. Pour ne pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention. Tous les soirs, tu m'allumes. Le matin, tu m'éteins. Mais même si tu dois tout faire sauter, fais-moi de l'électricité. Hier encore, j'étais comme vous et moi, un citoyen parfaitement normal. Et puis voilà qu'un soir, j'entends des voix. C'est toujours comme ça qu'on tourne mal. Tu disais, allô chérie. Allô, n'insistez pas. Allô chérie. Mais faut pas me le dire deux fois. Car voilà, toi, tu me fais de l'électricité. Tu fais monter ma tension. Pour pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention. Tous les soirs, tu m'allumes. Le matin, tu m'éteins. Et même si tu dois tout faire sauter, fais-moi de l'électricité. Il y a évidemment des tas d'inconvénients rapport à la consommation. Et comme tu marches sur tous les courants, des fois tu fais sauter mes plombs. Mais tu dis, allons, n'insiste pas. Allons, chérie. Mes batteries sont à plat. Mais voilà, toi, tu me fais de l'électricité. Tu fais monter ma tension. Pour pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention. Tous les soirs, tu m'allumes. Le matin, tu m'éteins. Mais même si tu dois tout faire sauter, fais-moi de l'électricité. Toi, tu me fais de l'électricité. Tu fais monter ma tension. Pour pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention. Tous les soirs tu m'allumes, le matin tu m'éteins. Mais même si tu dois tout faire sauter, fais-moi de l'électricité, fais-moi de l'électricité, fais-moi de l'électricité, fais-moi de l'électricité.